Chapitre 26e. Délire. Rachel Arnold fut longtemps à guérir de la blessure triangulaire faite sur sa lèvre supérieure par le poing crispé du baronnet. La fatigue, les privations, les émotions, les soucis et les mauvais traitements avaient concouru à affaiblir la pauvre créature. Et pendant de longues semaines, elle resta entre la vie et la mort, dans une des chambres situées à l'étage supérieur de Lestlewood. Lady Lestl avait donné des ordres tout particuliers pour que la malade reçût les soins que réclamait son état, et pour qu'on fît tout pour la rendre à la santé. Mais longtemps, le docteur eut peu d'espoir de la guérir. « La constitution est faible, ma chère dame. Elle est, de plus fort, altérée par de rudes labeurs. Cette femme a mené une existence bien dure, j'en suis convaincu. Je me souviens d'elle. Il y a des années, lorsque elle et son misérable mari habitaient la loge et quand leur fils, qui disait-on, avait l'air d'être le frère de Sir Rupert, jouait devant la grille du parc. L'enfant est mort très jeune d'une mauvaise fièvre, dit Lady Lestl. Je comprends, ma chère Lady Lestl. Il tenait de sa mère et était assez peu robuste. Je n'ai pas été surpris d'apprendre sa mort et maintenant, je vais aller voir ma malade. Pauvre créature. La constitution est si faible et l'esprit si peu fort. La tête n'est pas forte du tout. Sir Rupert ne s'opposa pas à ce que Rachel Arnold résidât sous son toit. Il sembla même s'inquiéter assez sérieusement de l'état de sa santé. Il s'informait d'elle chaque jour, de la manière réservée qui lui était particulière, mais en même temps, prenant un intérêt visible à la réponse, il demandait continuellement « Est-elle mieux ? A-t-elle le délire ? Dites. Non, elle est calme, parfaitement calme. Oui, parfaitement raisonnable et sensée. De quoi parle-t-elle ? Quant à cela, elle parle fort peu. Elle est trop faible pour parler beaucoup. » Ses réponses paraissaient le satisfaire, mais il faisait les mêmes questions le lendemain, et avec le même ton de réserve et d'intérêt dissimulé. Pourtant, malgré toute son inquiétude sur Rachel Arnold et sa santé, rien de ce qu'on lui dit ne put jamais amener Sir Rupert Lestl à voir la malade. Chaque jour, elle lui envoyait des paroles de prière pour lui dire combien elle désirait le voir, ne fût-ce que quelques minutes, seulement le temps de voir son visage, de tenir ses mains dans les siennes, et de lui rappeler les jours où elle l'avait tenu, pauvre enfant maladif, sur ses genoux, pour lui demander pardon de s'être présenté à lui dans ses jours de triomphe et de prospérité. Voilà quelle supplication elle lui faisait adresser chaque jour. Mais elle aurait aussi bien fait de supplier une pierre. Il n'avait pas besoin d'aller s'ennuyer dans la chambre d'une malade, disait-il. Qui lui disait que sa maladie n'était pas contagieuse? Il était plus que probable qu'elle était contagieuse. Une fièvre gagnée à bord d'un navire, peut-être. Ce serait une jolie chose si un baronnet et l'homme le plus riche du comté allaient mourir d'une fièvre qu'il aurait gagnée en allant voir une servante malade. Qu'elle se trouve heureuse d'être tombée dans une maison si charitable et qu'elle se contente de cela. Voilà les consolations que Rachel Arnold obtint de Sir Rupert Lestl. Le gros major, dont les gilets devenaient de plus en plus larges à mesure que les doigts légers du temps passaient sur sa chevelure blonde sans oser l'éteindre en gris, ainsi qu'ils eussent fait pour le commun des hommes, le major, dis-je, avait repris le dessus à Lestlewood Park. Après la scène de la salle de billard, il reprit le sceptre tout aussi tranquillement que s'il ne l'eût jamais déposé, et cette fois il le tint fortement. Le baronnet reprit son ancienne position et ses anciennes habitudes. Peut-être avait-il pensé à s'assurer une alliée dans la personne de sa charmante femme, mais Olivia se tenait constamment et complètement à distance, de sorte qu'il lui restait seul, et restant seul, il n'était pas de force contre le major Barney. Comme autrefois, il regardait le major avant de parler. Comme autrefois, pâle et défait, ayant les manières d'un chien coupable qui vient d'échapper à une correction, il suivait les talons du major, ne paraissait vivre que parce que ce dernier le voulait bien, et ne vivait que pour faire toutes ses volontés. Une fois, il parla au major de la malade. « Que puis-je faire ? » dit-elle. « Elle me fatigue sans cesse avec ses messages romanesques au sujet du besoin qu'elle a d'obtenir mon pardon et un tas d'autres folies semblables. Je n'ai aucun besoin de la voir, vous le savez » disait-il de sa voix lente et aiguë. « Non, fort peu à ce que je crois, se reporte, » répondait le major. « Mais je vois briller en ce moment un superbe saphir à votre doigt. Vous avez donné 100 bains Napoléon pour ce saphir dans la rue de la Paix, et c'est ce même saphir qui a coupé si cruellement la lèvre de Rachel Arnold. » « Non, je pense bien que vous ne tenez pas beaucoup à voir, votre ancienne servante. »« Il me semble, » murmura ce report, « que vous pourriez bien retenir votre langue à présent. Vous en avez tiré un bon parti. »« J'ai toujours eu l'intention d'en tirer un bon parti, mon cher baronnet. Baronnet de la création de James Ier, rappelez-vous, cher garçon, et chevalier depuis des siècles. Les Lycelles sont une bien noble famille. J'ai toujours eu l'intention d'en tirer un bon parti, répéta le major en se plongeant dans les profondeurs d'un moelleux sofa. Sur le marché de la vie, il n'y a pas de marchandise plus coûteuse que la cervelle. Je ne suis qu'un marchand, et j'ai fait de mon mieux pour obtenir un bon prix de la mienne. Peut-être ai-je réussi, répéta le major en tirant un gros foulard de sa poche, en essuyant et en polissant les ongles roses de ses doigts. Tenez, dit le baronnet, je ne puis pas avoir cette femme autour de moi tous les jours de la vie. Je voudrais donc que vous allassiez la trouver pour lui dire qu'elle ferait mieux de se tenir tranquille, car elle est ici assez confortablement, et si elle ne fait pas attention à ses faits et gestes, elle se fera très probablement mettre à la porte. Comprenez-vous ? Parfaitement. Il faut que j'aille dire tout cela, à Rachel Arnold. Mot pour mot. Ce n'est pas une commission agréable que vous me donnez là, mon cher report. Qu'importe, agréable ou non, je crois que vous pouvez vous en charger. Vous tirez assez de choses de moi. Ainsi, vous pouvez bien en retour faire quelque chose pour moi. Le baronnet croyait devoir prendre un air de défiance sournoise avec le major, bien qu'il sût parfaitement que c'était inutile et que le major n'était pas sa dupe. Pour ce que je tire de vous, ou ce qu'il peut me plaire d'en tirer à l'avenir, dit le major en regardant ce report en face, c'est de peu d'importance. Mais souvenez-vous que j'ai tiré de vous ce qui vous a rendu mon esclave tout autant que si je vous avais acheté un certain nombre de dollars dans l'Amérique du Sud. Autant mon chien que si je vous avais acheté un marchand de chiens et que si je vous avais enchaîné et cadenassé dans mon chenil. Voyez ceci. Le major Barnett, tout en parlant, déboutonna son gilet et montra une ceinture de cuir qu'il portait très serrée autour de sa taille énorme. À cette ceinture était attaché à gauche un tout petit portefeuille à fermoir d'acier. Voyez ceci, dit le major en montrant le portefeuille. Cette ceinture est un remède contre l'embonpoint auquel je suis si malheureusement porté. Et puis, comme c'est sûr. Ce report passait ses doigts dans ses cheveux rares et pâles, comme s'il eût voulu les arracher. Mais il était trop douillet pour supporter cette douleur. Oh oui, oui, oui, s'écria-t-il en se tordant sur sa chaise. Vous me tenez bien, malédiction. Ah, comme vous ressemblez bien à l'homme aimable sous le toit duquel vous avez passé vos premières années, dit le major en souriant. Toujours prompt au blasphème et aux malédictions, et toujours lent à l'action. Lent à l'action, major Granville Barnet. En ce moment même, pendant que l'écho de votre voix sonore vibre encore sous la voûte de cette salle, pendant que l'ombre des nuages effleure les coteaux de Sussex où souffle la brise, un homme se fraye un chemin à travers les sombres massifs d'une forêt d'Amérique, à travers les lianes entrelacées, les branches noueuses et pourries des arbres tombés, et les buissons épineux qui s'attachent à lui et déchirent ses vêtements au passage, comme s'il méprisait l'homme et se faisait un malin plaisir de le tourmenter, de le blesser. Tout fatigué qu'il est, il marche à travers les herbes qui retiennent ses pieds, en maudissant les ronces et les épines qui déchirent sa chair, maudissant l'ombre noire et le soleil brûlant, le lieu où il va et les gens qu'il va y trouver. Se maudissant lui-même et maudissant le monde, mais cependant, avec son visage sombre et ses regards fixés devant lui, il marche au but arrêté depuis longtemps dans son cœur, qui aspire à la vengeance. C'est le but qui donne à ses faibles membres une force étrange, surnaturelle, et l'aide à tout surmonter. Gai et bienveillant, caressant ses moustaches blondes en traversant les longs corridors et en gravissant l'escalier de service, le major Barnet se dirigeait vers la chambre de la malade. Il semblait, comme autrefois, porter avec lui la lumière du soleil jusque dans les lieux les plus ombrés, à tel point que les domestiques qu'il rencontrait dans l'escalier clignaient des yeux en passant à côté de lui. Sa face rayonnait et sa chaîne de montre produisait un cliquetis musical en faisant balancer ses ornements d'or. Il entra d'un pas léger dans la chambre de la malade. Rachel Arnold occupait une pièce assez sombre à un des angles de la vaste maison, une chambre basse, mansardée, traversée par d'épaisses poutres en chêne, ayant une fenêtre en losange ombragé par le toit en saillie. En face de la fenêtre se trouvait un ancien lit à baldaquin sur lequel reposait la malade. Son visage pâle était tourné du côté de la porte de la chambre. Ses yeux, d'un bleu clair, étaient dilatés et avaient un regard de terreur et d'inquiétude. Le docteur occupait une chaise à la tête du lit et contemplait la malade d'un air pensif, tandis qu'une grosse fille de campagne, qui servait de garde-malade, regardait machinalement les arbres du parc. Elle est un peu plus mal aujourd'hui. Il me semble, dit le docteur, qu'il y a dans son esprit quelque tendance à battre la campagne ce matin. Comme la garde ignorait la signification du mot tendance, et comme elle n'était pas non plus bien certaine de ce que signifiait battre la campagne, elle n'essaya pas de répondre au docteur, de sorte que ce gentleman regardait la malade, puis regardait sa montre, comme s'il eût voulu établir un rapport entre le chronomètre à cylindre et l'esprit de la malade, et qu'il se fût imaginé qu'en remontant l'une, il aurait pu réussir à régler l'autre. Mais ayant regardé quelques minutes avec attention le battement des rouages, les trous et les rubis, il leva les sourcils d'un air mécontent, comme pour dire qu'il renonçait, comme à une chose tout à fait inutile, et il ferma la montre, qui rendit un petit bruit sec et métallique. Un fils unique, méchant, cruel, mauvais, traître, un fils unique, un fils unique. C'est terrible fatigant, dit la fille de campagne, qui évidemment était à bout. Elle a été comme cela toute la nuit. Et je n'ai pas fermé l'œil avec ses fils uniques. Des légumes et des casseroles, c'était déjà bien assez, mais ceci est bien pire, bonté divine. » Ce discours est assez obscur en lui-même. La jeune fille avait fait son apprentissage dans le sous-sol de Littlewood House, comme sous-aide de cuisine, poste qu'elle avait quitté pour être promue au grade de garde-malade. « Un fils unique, » répéta la femme, les yeux toujours fixés sur la porte ouverte. « Méchant, méchant, cruel, bien cruel, un fils unique. » « Un fils unique !» En ce moment, le major Granville Varney parut sur le seuil. Il était si gros et si important qu'il remplissait toute l'embrasure de la porte. Il avait l'air d'un portrait peint en brillante couleur et placé dans un grossier cadre en bois. Le docteur était paresseusement assis, occupé à longer les doigts de ses gants de fil. La fille de campagne bâillait avec bruit derrière ses mains rouges. Un petit rouge-gorge sifflait sur l'appui de la fenêtre. Les cendres tombaient peu à peu sous les barres inférieures du petit foyer, et une grande quantité d'eau d'orge chantait dans la bouilloire placée sur le trépied. Rien, dans la chambre comme au dehors, ne laissait voir que la présence du major était connue, excepté de la malade. En poussant un cri perçant, la faible créature s'élança de son lit et, se jetant sur le major étonné, saisit avec sa main affaiblie la cravate peu serrée autour de son cou et se cramponna comme si, toute faible qu'elle était, elle eût voulu lutter avec le vigoureux officier indien. « Vous, s'écria-t-elle, vous, le plus méchant de tous, pourquoi venez-vous auprès de moi? Pourquoi me laissez-vous voir votre fausse et hideuse figure? Pourquoi venez-vous où je suis? Si vous ne voulez pas que je vous assassine ?»« Je l'avais bien dit, » murmura le docteur en secouant doucement la tête. « J'avais bien dit que la tête était un peu dérangée. » Je m'y attendais. La garde malade reconduisit Rachel Arnold à son lit. Celle-ci se laissa recoucher aussi tranquillement qu'un enfant. Ses cheveux, mis en désordre par la lutte, tombaient en boucles enlacées sur ses joues creuses et amaigries. Le major éloigna d'un geste de la main le docteur et s'assit à sa place aussi tranquillement que si la malade le reçut comme son meilleur et plus cher ami. Ma bonne Mrs. Arnold, ma chère Mrs. Arnold, dit-il avec une tendresse consolante. « Voilà qui n'est pas bien du tout. »« Oh, cette voix cruelle, cette voix affreuse !» s'écria la femme en roulant avec peine sa tête sur l'oreiller. « Cette voix cruelle et affreuse que j'ai si souvent entendu me dire des paroles si dures !»« Voyons, ma chère amie, il ne faut pas parler de voix cruelle et de voix affreuse, » continua le major, « ni laisser notre pauvre chère tête rouler sur toutes sortes de fantaisies pénibles. Mais il faut tâcher de nous calmer. » Et d'écouter tranquillement nos amis. Je vous apporte un excellent message de Sir Rupert Lessel. Sir Rupert Lessel. Sir Rupert Lessel. Sir Rupert Lessel. Répéta-t-elle en continuant à rouler sa tête sur l'oreiller. Un fils unique, un fils unique. Eh, n'est-ce pas fatigant? S'écria la garde malade en prenant dans son désespoir le major à témoin. N'est-ce pas fatigant, hein? Elle a été comme cela toute la nuit, c'est comme l'arithmétique. Peut-être, la femme l'entendit-elle, et par un étrange mystère du délire fut-elle transportée au temps où elle et une vingtaine d'autres jeunes filles avaient appris à compter à l'école du village, car elle dit d'une voix criarde « 7 × 5, 35. 7 × 5. Sir Rupert Lessel, je pose 7. » Posé, Sir Rupert Lessel, je l'ai porté bien des fois. Quand mes bras me faisaient mal, je l'ai porté car il était mon seul enfant. Mon seul enfant. Pauvre créature. « Pauvre créature, » dit le major avec un soupir de compassion. « Cela est trop triste, cela est réellement trop pénible. « Docteur Lumpkins, je serais bien aise de causer quelques minutes avec vous dans ma chambre. Cette scène m'émeut au dernier degré, en vérité. C'est là la jeune personne qui garde Mrs. Arnold, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il en regardant fixement l'ex-fille de cuisine. « C'est cette jeune personne, n'est-ce pas, qui a eu soin d'elle pendant tout le temps de sa maladie ?»« Oui, c'est moi, » répondit la jeune fille. « Et on ne m'a pas aidé, ni cette nuit, ni les deux précédentes. Depuis qu'elle était folle, j'ai eu bien peur. » « On ne vous a pas aidé, hein ?» murmura le major. « Pas aidé du tout. Bien. » Le major Varney prononça ces paroles très vagues d'un ton tout à fait distrait. Il regarda la jeune fille pendant quelques minutes, puis le docteur et ensuite la malade, qui, entièrement épuisée maintenant, était étendue la tête tournée du côté du mur. « Maintenant, docteur Lumpkins, » dit-il après un moment de silence, « si vous vouliez avoir la bonté de venir jusque dans ma chambre, je ne vous retiendrai pas 5 minutes. » Le major occupait un petit appartement complet sur le côté le mieux exposé, le plus méridional du château. Il conduisit le docteur dans une chambre splendide, d'où, un quart d'heure après environ, le praticien du village sortit, l'air grave et important. « Alors je verrai M. Morrison cet après-midi, Major Varney, » dit-il en échangeant une poignée de main avec l'officier indien. « Et je crois qu'il y aura peu de difficultés au sujet du certificat. »